guessing game, you make her play. Now that she knows that she could never win, I guess you're never gonna take her down. Down to the bottom of your little black heart, lay with her naked on the cold hard ground, to watch the sunrise in the dopest part. Down in the bottom where your lifeline shows, down in the bottom where nobody goes. Did you lose your way to find another? Allez, bonjour à tous. bonjour, Brian. Salut Nico. Brian de l'Alma. Enchanté de t'accueillir aujourd'hui pour cet entretien de Grenoble assez difficile, je pense. À tenir, et c'est une idée que tu as eue, hein, j'avoue, je le dis tout de suite. Non mais je dis pas ça pour Désolé pour ça. Non, mais c'était une bonne idée. Mais merci de l'invite, en tout cas. Et... Donc, de rien. Donc on va essayer de, plutôt que de passer des morceaux qu'on aime bien, ce qui se fait généralement de manière naturelle, on va dire, on a essayé d'aller un peu contre nature, finalement, et d'essayer de trouver des morceaux, de passer des morceaux qu'on aimait le moins. C'est aussi difficile de trouver les morceaux qu'on aime le moins que de trouver des morceaux qu'on aime le plus, non? C'est vrai qu'au final, en réfléchissant à quel morceau j'aimais pas, c'était à peu près le même effort. C'est vrai qu'on part des masques, du coup. On part de masques, car Zach est un petit peu malade. J'ai une petite toux. Ouais, une petite toux qui, j'espère, ne se transformera pas en migraine. Espérons-le. Voilà. Donc le morceau qu'on met là, c'est... Walter Becker, Down in the Bottom. Bon, c'est un bon morceau, mais c'est le titre qui nous introduit ce morceau, cette émission Bottom 50. Voilà, donc on verra qu'il y a plusieurs façons de détester des morceaux. Enfin, il y a plusieurs raisons qui font détester les morceaux. Voilà, on peut commencer peut-être par ce que tu as amené. Par exemple, qu'est-ce que le morceau qu'on écoute pourrait te faire penser à quelque chose Alors, le morceau qu'on écoute, peut-être que The Police, du coup, ça. The Police, ouais, très bien. Ça match très niveau, bien, très, très bien. Eh bien, on écoute The Police, en fait, tout simplement. Merci à tous et à tout de suite pour une explication. Ouais, à toutes. Justification. que ce serait pas le moins pire des morceaux que t'as apporté? C'est dur à dire. Je pense que dans la liste, je pense que dans la liste, on est sur vraiment un des moins pires. Là, c'était juste pour matcher avec avec la musique qui était juste avant. D'accord. Ouais. Okay. Mais je vois que ça fait réagir et ça c'est pas trop mal parce que. Ouais, t'as une raison assez spécifique, personnelle. Alors pour celui-là, c'est vraiment ultra subjectif et personnel. C'est juste que je la déteste depuis que je suis tout petit. Et dédicace à Ben d'ailleurs, parce qu'il sait très bien, les réactions que ça crée en moi. Ouais. Dans la sélection, forcément, il y aura des musiques que je déteste pour d'autres raisons. Celle-là, c'est vraiment à peu près gratuit. C'est juste que depuis que je suis né, je l'entends partout et depuis toujours à MGAV. C'est un ras-le-bol. Exactement. Ras-le-bol culturel, ouais, mainstream. Je voudrais pas manquer de respect à Sting. non, mais bon. Pas spécialement, en tout cas, on va dire. Mais bon, tu l'entendais partout, quoi, dans les bars. Partout, à la radio. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis on l'entend encore aujourd'hui. On l'entend encore aujourd'hui. Assez régulièrement. Ouais. Et ouais, c'est toujours considéré comme un bon morceau. Très bien. Et ben, moi je vais continuer un peu dans cette vague, mais un peu différemment. C'est que j'ai des disques chez moi que j'ai très peu écouté. Voilà. Et ben on écoute ça. On écoute ça, mais bon, comme j'ai dit, non, j'essaie de. C'est une émission risquée parce que finalement, c'est pas si facile. Enfin, j'ai trouvé ça assez difficile de trouver des mauvais morceaux. Là, j'ai mis un morceau au hasard, donc bien sûr. Puisqu'en esthétique, tout est discutable. Ouais, on écoute ça. On écoute ça, et puis on va voir sur le chat ce qu'ils ont dit. Thank you. Yes, Kansas. Kansas, c'est un groupe, je ne sais même pas la nationalité. C'est un disque que j'ai récupéré de mes parents pour l'anecdote. Je cherche la pochette, mais je ne la trouve pas. Ah oui, pardon, merci. Le titre était donc Closet Chronicles, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ça, ouais. Bon, voilà, un morceau donc, qui a encore divisé sur le chat ouais. qui nous divise aussi finalement. Toi, tu l'as trouvé pas si... Ça va, c'était sympa, ouais, c'était sympa. C'était sympa, voilà. Bon, comme quoi. Très bien. Voilà, donc on y va tout doucement avec des morceaux pas trop on terribles, on va dire. On va s'enfoncer petit à petit dans le voilà, bottom 50. On va s'enfoncer dans le bottom, exactement. Alors, accélérons la vitesse. Alors, dire peut-être, ou pas. Alors, attends, laisse. Ouais, il faut... Ouf, ouais. Alors là, ouais, ok, ça commence à devenir sérieux à partir de maintenant, ouais, de mon côté en tout cas. Ouais. Si je veux y aller vraiment tranquille... Oh là là, putain. Ouais, Mini Repertor, ouais, très bien, très bien. Ok, on va rester... On va rester soft. Allez. Ripperton. Eh oui. Loving You. Donc la voix est trop aiguë, c'est ça ? Ouais, bah. c'est ça l'enjeu. On m'entend là. Ouais. Ok. Et toi, ouais. Ok, ouais, c'est ça bon. Frotte. Ouais. Bah, fait comme celle que j'ai mis avant. Il faut juste partie de. C'est hyper subjectif de musique que j'aime pas pour certaines raisons. Ouais. Par habitude ou par. Bon, là, c'est vrai que la voix aiguë me marque depuis toujours, mais ça reste une belle chanson hein, globalement. C'est juste que un certain pote m'a beaucoup saoulé avec. Pendant quelques années, on va dire, et puis c'est toujours pas un plaisir d'écouter. En musique de fin de soirée, quoi. En musique de déprime, ouais. Du coup, l'un peu associé à ça, et puis cette voix un peu aiguë m'horripile légèrement. Après, okay. Ça va, ça reste sympa. Après, comme on disait, c'est ce genre de musique qu'on n'aime pas. Enfin, après, on va passer dans des musiques qu'on n'aime pas pour d'autres raisons. Ça, c'est juste hyper anecdotique et très personnel, on va dire, après, pour l'instant. Après, il y a pire. Après, il y a pire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'ambiguïté possible. Bah si, il y a forcément quelqu'un qui l'aime bien, mais en tout cas, ce sera plus évident, j'espère. Ce sera plus évident. Et si ça n'est pas, tant mieux. Très bien. Alors, on continue un peu. C'est le troisième morceau. C'est une chanteuse française. Avec une guitare. Alors, ça doit être la fin du morceau d'avant. Ouais, voilà. Ouais. C'est Isabelle Maillero, pour ceux qui connaissent. Et le morceau, c'est Simili USA. Ok, ça marche. Allez, c'est parti pour le tome 50. Quand tous les bras mécaniques de tous les caterpillars auront fini leur musique, naîtra un building bizarre. De tous les faiseurs d'étage auront changé de boutique, naîtra un nouveau village. Ascenseur, leasing, living, froideur. Quand tous les poseurs de briques, de tous les murs de papier, auront fait leur mosaïque, naîtra une grande cité. Seront posés magnifiques, naîtra un décor ouaté. Des poules cachemire un peu partout sur les coussins de coton doux. Ouais, donc Isabelle Mayro, un peu la voix de Véronique Sanson, mais un côté plus un peu hippie là. Simili, Véronique Sanson. Simili, ouais, Véronique Sanson. Ouais. Bon, bien sûr, il y a un truc visuel, faut voir la pochette, une femme. Une femme, bon, vous taperez Isabelle Mayero, M-A-Y-E-R-E-A-U, donc c'est une femme assise avec une guitare sèche. Exactement. Qui a une sorte de beaucoup de cheveux avec des grosses lunettes, une chemise à rayures verticales et une sorte de jupe épaisse qui descend en dessous du. Petit flou de mouvement sur sa main qui est en train de jouer du coup en accord, c'est pas trop mal ça aussi. Ouais, ça c'est pas mal, ouais. Voilà. Ça fait presque en fait musique chrétienne, quoi. Enfin, comment on pourrait dire. Voilà. Je trouve dans l'habillage. Ce disque, c'est un disque que t'as connu de tes parents, pardon. De mes parents aussi, ouais, ouais. Okay. C'est tout après, hein. J'arrête. Après, okay. j'ai creusé moi mon propre trou. Ok, ok. Mon propre bottom. Salut à Cthulhu 93. Bienvenue, tu vas te faire plaisir, je pense. Ah, à partir de maintenant, ouais, vraiment. À partir de maintenant, oui. Ouais, ouais. Alors, là, on rentre dans des choses intransigeantes. Eh ben, on va arriver sur une rupture. Okay. Comment je pourrais rebondir sur... Ouais, on peut enchaîner directement, hein, tu vois. On coupe ça et on y va direct ouais. Sur... Eh ben, oui. ouais, on voilà. Va partir sur... Non, juste au-dessus, non, ouais. Hop. Ok, parfait. Donc, c'est bon. Régalez-vous bien maintenant. Régalez-vous. Et à toutes. À toutes. Allez, viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle, artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Éclater le bottom 50. Ouais, voilà, éclater le plancher. Ouais, mais on a ce qu'il faut. Ouais. Voilà, donc les Calamités Vélomoteur. Bon, c'est un disque qui est assez connu, je crois, parce qu'il y a une pochette qui a été faite par Pierre et Gilles. Et il y a un morceau. Et c'est produit et arrangé par Daniel Chenevez, qui est le guitariste de Niagara. Voilà, comme quoi. Bon, comme tout, quoi. Tout est dans tout. On continue avec peut-être un de tes morceaux que tu as choisi. Il y en a encore pas mal. Hein, il y en a encore pas mal. On va pas se presser. En tout cas, j'espère que Louise Attaque a bien pli. Oui, c'est vrai, Louise Attaque, excuse-moi d'y revenir. Merci, excuse-moi de ne pas y être revenu. Oui, je viens de revoir le nom, c'est vrai. Bon, j'espère super, que vous avez kiffé. Super choix, bien sûr. Super groupe, super morceau, intemporel, on va dire. Au final, c'est toujours un plaisir de l'écouter. Ouais, c'est ça. Avec la saturation encore. Ouais, alors j'ai essayé un truc de mettre un peu. Non, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Fait penser. Alors moi, c'est ça fait penser au BDE, quoi. Enfin, au fait d'école d'ingé, quoi. Voilà. En effet. Voilà, mais il y a quelque chose du bottom 50 qui est dans les BDE. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, ben, alors là, ok, bon, on va partir sur un morceau que j'aime pas pour d'autres raisons, c'est-à-dire le chanteur et les paroles de cette chanson. Vas-y, on en voit. Très bien. Voilà, allez, je pense que Toulou va apprécier, mais pour le reste. Allez. Chambre à se mettre à chouiner la C'est à peu près ça ce qu'il dit. Donc encore une merveilleuse musique de la part de la GAF, qui est quand même ouais. un sacré producteur, hein, il faut le dire. Il est fort, il est fort. C'est une musique qui, moi, m'a bien marqué dès le départ, hein, du coup, ouais. parce que elle fait écho à ma culture. Et nous, c'est un peu, chez les Algériens, en fait, c'est un peu une hymne chez nous, on l'écoute entre nous, en secret. Ouais, d'accord. Et pour, voilà, pour des soirées anti-France. Exactement, exactement, ces soirées-là même. Et c'est grâce à nous que la GAF a encore une carrière. Ouais, j'imagine. On l'a souvent c'est vrai, mariage, c'est vrai. Non, parce que ça, on ne dit pas assez, les gens ne le savent pas. Donc voilà. Yes, ravi que ça t'épique, Toulouse. Et on va partir sur un autre artefact, on va dire. Bien sympa, ouais. Ouais, ouais. Alors, c'est pas le, celle qu'on connaît le plus, mais bon. C'est pas grave, ça revient au même. Pardon. Complexé, dès que l'ambiance devient hot, il se met à chanter. singularité. Censuré. Enfin, j'ai mis la phase B en fait, donc l'année cannelle, sachant que la phase A est, ça fait rire les oiseaux. Est-ce okay. qu'on ne peut pas malgré tout récupérer un peu la Compagnie Créole qui a quand même servi à diffuser la culture caribéenne, non ? Et on ne peut pas dire des choses comme ça malgré tout. Si, si, bien sûr. Si, jusqu'à bon. Présent, c'est ok. Voilà. Mais bon, bref, c'est plutôt. Bon, c'est un peu comme Police pour toi, peut-être. C'est la répétition ou le genre d'ambiance que ça évoque. Alors, c'est tant mariage, que... etc. Ok, c'est plutôt mariage. C'est... Ouais, plutôt, malheureusement. Ou soirée où les parents bourrés dansent. Ok. C'est un disque de tes parents ? Non, c'est tiens. Non, ouais. C'est un cadeau. Ah oui. On a vu la pochette juste avant. Ouais. Voilà, 45 tours. Voilà, bon, ben, merci, on continue, il nous reste, on est à la pile à la moitié de l'émission. Ok. Voilà, je pense que ça se passe pas trop mal. Donc oui, je suis désolé de pas pouvoir mettre la queue leu leu, bon, peut-être que s'il reste un peu de place, on le mettra. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Rien, en fait. À force, peut-être que les idées se décomposent. Donc, on va. Je pense que là, il me semble qu'on va passer à des choses un peu plus récentes, non ? Je crois. Alors, de mon côté, ouais, c'est de sûr. De mon côté, ouais. Moi, j'ai encore quelques vieilleries, mais bon. Ouais, j'ai encore quelques trucs des années 80, mais bon, c'est pas très grave du tout. Hein. On peut aller d'une décennie à l'autre. J'avais oublié que j'avais ça. Ah dans oui, liste. Voilà, bah, très bien. J'aurais pu le mettre un peu avant parce que ça aurait fait une belle entrée pour la gaffe, du coup. C'est vrai. On peut l'écouter maintenant ? Allez, on l'écoute maintenant. Régalez-vous. Tipperary, Barry Connolly et de Galway, une sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie c'est une folie et que la folie ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaël et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Celle des rois d'Angleterre. Ne serait-ce pas le point culminant de l'émission? Oui, excellent, oui, excellent, même, excellent, excellent. Dans le très très très bon choix, bravo. Oui, quand oui, même oui. Un sacré bon DJ. Merci, merci. On me le dit souvent, mais je m'entraîne encore pour être encore mieux. Franchement, et puis beaucoup de respect pour ce morceau. Merci, moi aussi. Et pour ton choix, surtout le choix de ce morceau. Merci pour ces mots. Que dire de plus? J'espère qu'il y a moins de débats sur le chat par rapport à est-ce que c'est une musique qu'on adore détester ou l'inverse, ou vraiment c'est un peu de la merde. Alors ce truc là de d'aimer détester, ça m'est totalement étranger personnellement. Je comprends pas ce que c'est. Peut-être tu peux expliquer. Non, c'est un truc que j'ai lu sur le chat. Ah oui, d'accord. C'est pas un truc que j'ai non plus, c'est un truc que j'avais lu. Hyper bien, ok. Ah, hyper bien, Kalash, merci. Merci, Tristan. Merci d'être là. C'est quoi les plaisirs coupables, c'est ça, aimer détester, c'est des trucs comme ça, genre c'est des peut-être trucs ça, que ouais. Tout seul. Bon, moi ça m'est totalement. Bah, c'est peut-être étrange. Un truc genre, tu es supposé la détester, mais tu l'écoutes quand même, et en fait tu t'avoues pas que tu l'aimes bien et que c'est tout. Je sais pas. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Je pense que c'est ça. Ouais. Bon, bon, en tout cas, celle-là, il n'y a pas de doute, elle est magnifique. Et puis, elle est magnifique, j'espère ouais, c'est la ça, réécouter vite. Ouais, le plus vite possible. Et surtout, ces autres tubes, là, si les Américains n'étaient pas là. Bon, voilà. Bah, je crois que c'est le moment pour nous de danser, ouais. Nico. Voilà. Si tu veux bien et poser ce micro aussi, maintenant. Et vous aussi, à l'autre bout de l'Internet, si vous êtes... That's my life for change forever. Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality. The only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality. A different kind of reality. I dream of loving. Special about you. Dreams are my reality. The only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how. Dreams are my reality. c'est notre réalité de ce soir. C'est les morceaux qu'on aime le moins, disons. C'est qu'on, ça, ouais. Qu'on aime aimer le moins. Qu'on aime aimer le moins, ouais. Qu'on ouais. aime détester. Le plus. Ouais. De plus. Ouais, bon. Moi, j'avoue, comme j'ai dit, alors, il y a une discussion là-dessus, là, mais... voilà. Bon. Alors... Parlons de ce morceau, c'est Richard Sanderson, c'est la bande originale du film La Boom. As-tu vu ce film ? Oui. Ouais, d'accord. Très sympa. Très sympa ce film. Danse, mobilette, Sophie Marceau, j'aime beaucoup. Ouais. C'est, ne serait-ce pas son premier grand rôle à Sophie Marceau, peut-être je ouais, pas. Claude Brasseur. Claude Brasseur. Qui est mort il n'y a pas si longtemps. Paix à son âme. Et Brigitte Fossé, la belle Brigitte Fossé. Très bien. Voilà, alors je n'ai dansé avec... aucune fille sur ce morceau, je dois le préciser. Eh bien, je crois avoir déjà fait un slow sur ce morceau. Bravo. Oui, merci. Voilà. Je t'enverrai une vidéo, si tu veux. Ah, il y a une vidéo, ça a été documenté. C'était une fête de l'école, et je pense qu'il doit y avoir une VHS qui traîne des souvenirs de cette sorte de kermesse. D'accord, ouais, très bien. Ouais, ouais. Ma mère étant fan de caméras VHS à la base, je pense qu'il y a énormément de ce genre de souvenirs qui doivent être stockés sur une bande magnétique quelque part. Je te montrerai à l'occasion. Très bien, super. Et vous aussi, vous aurez le droit, à vous aurez le droit de voir avec les oreilles. Bah, allez, on continue l'exploration. Il nous reste une demi-heure. Donc, il nous reste une demi-heure. Ouais. Du coup, je pense qu'on va devoir être stratégique. Ouais. Non, en fait. Un petit peu. Oui, si, quand même. Ok. Parce que là, on est vraiment sur... On peut peut-être y aller un bon coup, non ? Ben, je pense que je vais mettre ce morceau-là, ouais. Parce que La Boom, lycée, Sophie Marceau, c'est une fille, Weshden, c'est aussi pas. Une fille okay. qui est supposée être au lycée, bon ben, on va mettre sa dernière musique qui s'appelle Réfléchir. Très bien. Et qui invite tout le monde à réfléchir. Merci à tous. C'est les restes du quartier, les voyous sont tombés. Il va dans une soirée, mais bon là y a son ex. Il s'est fait cramer, allez se marier. Ouais, alors un message quand même un petit peu contradictoire, je trouve, dans cette musique. Enfin, c'est dur, parce qu'en même temps, il faut réfléchir, mais en même temps... Il faut prendre ce qu'on a et profiter. En même temps, il faut prendre ce qu'on a et profiter. Donc, comment on fait ça? Tout en réfléchissant. Bon, et en même temps, ça va trop vite. Donc, ça va trop vite. Voilà, donc vrai, en même temps, il y a une urgence à prendre ce qu'on doit prendre. Mais en profiter. Faisant ça, on fait des conneries. Et on ne réfléchit pas assez. Et on réfléchit pas assez. Et la vie passe vite, du coup, oui. Ouais. Donc c'est vraiment un double bind. Mais c'est peut-être penser tout ça, hein. Cette idée de paradoxe. Peut-être. Paradoxe de temporalité. Ouais. Bon. Bah, j'invite Kalash à donner son avis dessus, parce qu'il est beaucoup plus calé que moi sur l'artiste et ça. Peut-être, Kalash. Voilà. Ouais, tellement donc, touchant. Bon, ouais, voilà. C'est vrai. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes maintenant? Ah ben moi, je reste dans la vieillerie un peu avec des paroles plus sages. Voilà. Merci à tous. À toutes. Nous étions jeunes et larges des peaux, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Au petit jour, on quittait l'Irlande, et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. Des fleurs sauvages, n'y pense plus, tu es de passage. On the road again, again. On the road again. Elle nous a pris les beaux et les drôles. On the road again, again. On the road again, again. Ami, sais-tu que les mots d'amour voyagent mal de nos jours. Tu partiras encore plus loin. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. On the road again. Classique, hein, classique du fond. Même si on a forcément une sorte de sympathie pour Bernard Lavilliers, qui a fait des bons morceaux. Il y a un 12 pouces qu'il a fait qui est très très bien. Nuit noire, je crois, un truc comme ça. Qui vient de La Rochelle, hein, Bernard Lavilliers. Ah, ouais. Ok, je savais pas. Ouais, ouais. Merci l'info. Voilà. Bon, ben, y a beaucoup de musique française dans ce qu'on passe. Bizarrement, c'est un hasard. Étrangement, ouais. Nuit noire, oui, voilà, nuit noire. c'est Nuit Noire. Ok, ok, non, je connais. Voilà, ouais, c'est un bon morceau que Denis Morin m'a fait découvrir. Ah, ne voilà. Surtout pas écouter dans cette émission. Non, surtout pas. Surtout okay. pas. Voilà. Ok, très bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur Bernard Lavilliers ? Bah, rien, pas du tout. Rien du tout, pardon. Alors. J'espère que l'embarras du choix. Ouais, il reste encore un peu de choix. Il reste mais pas mal de choses. Ok, ok. Il reste 23 minutes. Je cherchais un truc avec La Rochelle. Non, je pense que je pourrais pas. La mer, peut-être. Ou... Si... Ah oui, voilà, ouais. Ouais très bien. Bah, très bien. Voilà, un morceau qui s'appelle Tahiti de Kinvey. Allez, on s'accroche. Ouh mince. Oh, attention. Encore, ça va ripper. La gaffe retourne à la maison. Mesdames et messieurs, bonjour. Aïe. Vous êtes sur le vol 777 à destination de Papeete, Tahiti. Je vous demanderai de bien vouloir remonter votre cachet bleu. Je suis le commandant Kinvey. Bienvenue à bord. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'y vais ma meilleure vie. Le truc, c'est qu'il y est allé à Tahiti, en fait, c'est ça. Ouais. Parce que le clip, on le voit à Tahiti. Exactement, ouais. Yes. Exactement. Et ouais. Kinvey. Kinvey, ouais. Kinvey, ouais. Je sais pas d'où ça vient. C'est un breton, non ? Le nom. Ou, non, avec des c'est, K, non c'est un mec du Nord. Ah ouais. C'est un mec du Nord, en effet. Je dirais Dunkerque au pif, mais ouais, c'est vraiment un mec du Nord. Mais okay. Apparemment, maintenant, c'est un Tahitien. Voilà. Donc, dédicace à Kinvey et à tous les gens polynésiens français. Ouais, et tous les métropolitains qui sont dans les dom-toms. Oui, mais surtout ceux-là. Ouais. Voilà. Ouais. Merci. Allez, on fait une sorte de mini-pause avec un morceau de Image qui n'est pas celui qu'on connaît, mais la face B du morceau qu'on connaît. Voilà, je vous laisse déguster ce morceau funk. Jinita, Yes, une bonne tranche de rigolade et de groove. Une bonne tranche de funk. Énorme basse lapée. Et ouais, énorme basse slapée. D'ailleurs, je me demande ce que fait Émile dans ce morceau. C'est lui qui dit Ginny Tack, donc c'est le nom du morceau. Ok. Peut-être, hein, je ne sais pas. Ouais, grosse batterie, ouais, voilà. Bon, comme quoi. Bah, merci pour cette petite interlude. Ouais. Semi-agréable. Semi-agréable. Je pense. Alors, on a des requêtes là sur le chat. Kalash qui veut Tokyo. Bon, bah, c'est prévu, non? Mais peut-être pas tout de suite, du coup. Je sais pas comment tu. Ouais, si. On est comment au timing là? Ben, il nous reste 15 minutes. Voilà, moi j'ai quelques morceaux de. J'ai un morceau que j'aimerais mettre dessus. Après, on peut. Je peux te laisser la voie libre. Pour tes inspirations bottomesques. Non, on va faire un petit plaisir à Tristan et on va partir sur Tokyo Hotel. Yes. Exactement. Allez. Merci. Through the monsoon. danger, danger, danger, stranger, when you gonna follow through? The mistake it'll make of the rain cloud covers above your house. Hotel Monsoon, la version anglaise. La version anglaise. Parce qu'il y a une version quoi, japonaise ? Ah non, c'est allemand en fait à la base. Ah, c'est allemand. Ils chantent en allemand normalement. Et yes. C'est une version anglaise. Ouais. Très bien. Bon, j'avoue que je. Voilà. Tu as quelque chose à ajouter ? Non, pas vraiment. Okay, pas vrai. Non, juste que je déteste vraiment cette chanson. Ouais. tu sais même pas comment on dit Monsoon en allemand ? C'est, le même c'est pareil, c'est, même pareil, c'est la même, même chose. Ouais. D'accord. Ça veut dire la mousson en français, ouais. D'ailleurs. Voilà. Merci. Alors, ce morceau-là qu'on vient d'écouter, c'est Architecture in Helsinki. Bon, c'est pas un si mauvais. J'ai aimé ce morceau, hein, je dois l'avouer. Mais donc, ça fait partie de cette pop des années 2000. Donc, comme on disait hors antenne, dont j'ai l'impression que ce son un peu indie, neuneux, a diffusé dans toute la. On va dire communication les musicale, pubs, visuelle dans toutes les pubs, etc. Orange et compagnie. Ouais. Voilà, et toutes les, ouais, et tous les groupes un peu indie, mainstream, là, je sais pas quoi, Bon Iver, enfin, je sais même plus les noms. Bon, voilà, c'est une sorte de boîte de Pandore. Les créas, la sélection de ces pubs doivent être des gens de la génération qui écoutaient ça à ce moment-là, je pense. Peut-être, que ça s'allie en fait, c'est pour ça que ça revient maintenant dans les pubs. Je sais pas, c'est une hypothèse. Si, c'est très probable. Donc voilà. Donc le morceau en soi n'est pas, on va dire, dangereux ou, c'est pas une déflagration de, voilà, je sais pas quoi, voilà. Mais ouais. Voilà, ça me rend très triste et j'avais autre chose à dire. Oui, non, j'en sais rien. Par exemple, est-ce que toi, est-ce que ça t'arrive d'aller dans des brocantes et tu tombes sur un tas de disques et tu as vraiment beaucoup de mauvais disques et en fait tu en trouves un qui est un peu moins mauvais et du coup tu le choisis et alors qu'en fait il est pas bon mais tu le choisis parce qu'il est un peu moins mauvais, tu vois. OK par comparaison c'est avec ça. Les autres ouais. Dans une situation donnée je dois avoir pas mal de vinyles sorte de relativisme de vinyles déchets on va dire à la maison et qui ont été acquis dans ces conditions-là, ouais, en effet. Ouais, voilà. Ouais. Très bien. Donc c'est une manière de ramener de la merde. En fait. À la maison, exactement. À la maison, voilà. Que si on n'écoute que de la musique sur YouTube. Enfin bon, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre comme bon petit morceau pourri ? Oh, ouais, bah ça me déprime de voir ce qui reste. Ouais. Bon, ça veut dire que ça marche encore. Il reste 6 minutes. Ok, donc, c'est plus ou moins le dernier du coup. C'est l'avant-dernier. L'avant-dernier, ouais. Okay, moi, je peux mettre un morceau. Après, toi, tu peux mettre deux morceaux. Mais okay, il faut finir en beauté. Celui-là ou celui-là d'ailleurs, c'est marrant, ils viennent de la même. Celui-ci. Ils viennent de la même. De la même compilation. Il faudrait la choper, hein, parce que. Je ouais. Pense... Bah d'ailleurs, c'est ultra top. Ultra voilà, top. Comme quoi, les premiers se retrouvent les. Et je te laisse choisir. Les derniers. Ok, bah nickel. Voilà. Allez, on se fait plaisir. Allez. C'est bientôt la fin. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady 오빤 강남 스타일 Yes. Ouais, donc c'est une parodie, tu disais, parodie d'un morceau de K-pop, un peu. Ouais. Par rapport à quelqu'un qui est plus vieux. Ouais, exactement, exactement. Si. On avait vu un documentaire avec Tristan, justement, où quelqu'un qui en avait marre que sa musique relativement sérieuse, que lui considérait comme sérieuse, ne fonctionnait pas. Yes. Du coup, il a décidé de faire une parodie, et voilà, je crois que c'est la musique là encore qui a le plus de vues sur YouTube. Je crois, il faudrait vérifier. Ouais, bah. Sûrement, hein, parce qu'il est parti avec beaucoup d'avance. Après, il y a tellement de musique avec beaucoup de vues. C'est sur vrai. YouTube. C'est vrai, c'est vrai. Et il y en a aussi avec pas beaucoup de vues. Pas beaucoup de vues. Je crois que le plus petit, ouais, c'est zéro vue. C'est zéro, ouais, ouais. Un, je pense. Non, une. Zéro, tu as des zéros. Est-ce que tu peux décrémenter le nombre de vues? Tu peux pas faire ça sur YouTube. Hein. Tu peux pas faire des anti-vues. Tu peux faire supprimer des comptes en signalant des gens. Ouais, peut-être okay, que... ouais. Non, ça enlèvera pas les vues. Ouais, ouais. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Bon, merci à tous. L'émission touche à sa fin. Merci Zach d'être passé. Merci voilà. Pour l'invite. Et puis peut-être on se retrouvera pour quelque chose d'un peu différent. Voilà. Avec plaisir. Merci à tous. À la prochaine. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Bisous à tous. Bisous. Dinner with me. Come for dinner with me. Come for dinner with me. Come for dinner with me and Jen. It would be great. Yeah.